5 et 5 font 10, ça veut dire que j'en suis sûr. Il n'y a pas de mécanique. L'humain finit par être sûr d'être sûr parce que dans sa conscience, il y a de l'intelligence supramentale qui vient paramétrer toutes ses incertitudes. L'ego qui fonctionne à partir de la mémoire ne peut pas être sûr. Pourquoi? Parce que dans sa conscience mémorielle, il n'y a pas tout l'univers. Mais dans la conscience instantanée supramentale, il y a tout. Voilà. Il y a tout. Non. Il y a tout. Ah, c'est mieux. Dans la conscience supramentale, il y a le tout. Pas dans l'ego. Lorsque l'ego veut essayer de comprendre comment être sûr, c'est impossible. Un ego ne peut pas être certain. Un ego ne peut faire que croire. Il peut, s'il finit par omnibuler sa croyance, il peut avoir la foi. La foi, c'est la seule certitude permise à l'ego. Pas d'autre forme de certitude qu'on permet à un ego. On lui donne la foi. La foi, ça le rend aveugle. Il ne souffre plus, il ne doute plus. Il dit, je ne crois pas, il a la foi. C'est la certitude astrale, la foi. Mais si on va avoir une certitude absolue, ce n'est pas dans l'ego ni dans l'astral qu'on va la retrouver. Lorsqu'on doute du doute, c'est l'expression qui veut dire que tu as le doute absolu, douter du doute. Douter de tout, même du doute. Mais il n'y a plus d'ego. Ce n'est pas de la paranoïa. Tu doutes de la paranoïa. Il faut comprendre que douter de tout, ça veut dire douter de tout. Même du doute. Tout est relatif, disait Albert Einstein. Et on renchérissait, même la relativité est relative. Cela veut dire que tout n'est pas relatif. Et c'est vrai. Tout n'est pas relatif, même si tout est relatif. Ça dépend du point de vue. Tout est relatif, tu es beau et laid. Puis si lui me dit, oh, je suis beau. Même la relativité est relative. Tu as raison, tu es beau. De mon côté, je sais qu'il peut être beau ou laid. De son côté, lui, c'est absolu. Il est beau. Donc, tout est relatif, même la relativité. Douter du doute, c'est le même phénomène. On doit douter de tout, même du doute. Alors, on n'est pas paranoïaque. On ne fait confiance à rien. La paranoïa, ce n'est pas un doute, c'est qu'elle a peur. C'est autre chose. Le doute du doute, le doute de tout et du doute, c'est un phénomène de conscience supramentale. Ce n'est pas un phénomène d'ego. Ah, oh, je ne te fais pas confiance. T'as-tu peur en même temps? Mais non, je n'ai pas peur, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas ça, le doute. Il y a le doute psychologique, le doute dans l'ego, qui est le doute relativement paranoïa, où on arrive à le justifier par des étapes sociales, où on arrive à dire, ben, c'est quand même normal de douter, de craindre l'Union soviétique, ils peuvent te tuer. C'est normal de douter, de craindre de la police, ils peuvent te battre. C'est normal de douter ou de craindre des voleurs, ils peuvent te voler. Mais en même temps, si c'était pas si pourri que ça, c'est pas si pire, on pollue, mais on pourrait polluer plus, on tue, mais on pourrait tuer plus. C'est ça le phénomène de l'ego. C'est évident qu'un ego qui commence à vouloir métaphysiquement ou spirituellement ou philosophiquement jouer avec le phénomène du doute, il se démolit. Très évolutif. Il sera paranoïaque. C'est après, c'est pas grave. C'est pas grave. Que le virus soit malade! C'est pas grave. L'humain, pendant un laps de temps, va vivre de grands problèmes, soit. Mais ce n'est pas votre cas. Les autres, ils ne m'entendent pas. Ça ne dérange personne. Lorsque l'être humain parvient au doute du doute, il n'a plus d'ego. Donc, il ne doute plus. C'est pourquoi il y a un doute absolu. Celui qui est paranoïaque ne doute pas du doute. Alors, il est paranoïaque. Ben, ce n'est pas le cas de celui qui se conscientise convenablement. Est-ce qu'on peut établir une comparaison progressive entre une personne qui doute? On peut. Je te demande de la confirmer, celle que je fais. Ah, c'est autre chose. Est-ce qu'un homme qui doute, un homme courageux et un homme fanatique, ou un être humain, est-ce que c'est un continuum au niveau psychologique d'expression d'une même type d'énergie? Je doute, l'autre à côté, il y a l'hyperfoi, il est fanatique. Puis, à intermédiaire, il est mental, il y a du courage. Le fanatique est dans la foi. Donc, il ne doute pas. Oui, c'est ça, c'est l'autre pôle. Il ne doute pas en tant que fanatique. C'est la polarité inversée du doute. Oui, c'est la foi. Tous ceux qui ont la foi sont des fanatiques. Les gens qui ont la foi chrétienne sont des fanatiques chrétiens. Dis-leur d'aller prier Jéhovah, ils ne voudront jamais. Ça, ce sont des fanatiques. Qui jugent n'importe quel autre fanatisme comme étant débile, fou, idiot. Ils ont raison. De toutes les parts, ils ont raison. Celui qui doute n'est pas ni fanatique, ni n'est rien. Où situe le courage de... Le courage, c'est une mécanicité intéressante, le courage. Le courage, c'est une expression du plan mental à travers la structure astrale. C'est une expression de l'ajusteur de pensée. Celui qui a du courage a un ajusteur de pensée qui est opérationnel, même s'il ne le contrôle pas. Celui qui a du courage est un être humain qui est manipulé par des mécanicités, soit réincarnationnelles, hautement intelligentes, qui se servent de son canal ajusteur de pensée, dans le but d'arriver à créer des structures à l'interne de l'ego, pour pouvoir permettre à des parties de l'ego de supporter une action d'un individu, alors que normalement son action devrait engendrer une nourriture expérientielle qui va à l'encontre même des constituants de l'ego. Donc, le courage, c'est lorsque le phénomène mental prend le dessus sur le phénomène astral, mais le courage n'habite que l'animal humain et que l'humain. Le courage n'habite pas l'être humain. L'être humain n'est pas courageux, il est intelligent, il n'a pas besoin d'être courageux. Tandis que le courage est donc une guerre, une lutte, entre une structure astrale qui interdit l'expérience d'une expérience particulière qui va engendrer un retour d'onde de forme, une nourriture qui ne convient pas à ce qu'il recherche, et cela va être contrôlé par une structuration mentale qui va faire en sorte que l'ego va sembler retrouver son compte dans ce genre de choses. Alors, il y a deux formes de courage. Il y a un courage inconscient qui n'est pas un courage, mais qui devient de la manipulation par de l'intelligence, intelligence terrestrifiée, donc instinctive. Et il y a un autre courage qui, elle, provient d'une intelligence manifestée au travers des voies astrales, par l'ajusteur de pensée, par le biais du mental, restructurant les concepts même de la vie de l'ego et les concepts même du danger vu par l'ego, obligeant l'ego à permettre une manipulation corporelle de façon à engendrer une action particulière. Dans ce genre de courage, on aura le courage du pompier qui retourne à l'intérieur d'une maison. On aura le courage de certaines personnes qui, après une certaine forme de réflexion ou de logifération, décident d'entreprendre une mécanicité qui va à l'encontre même des instincts de survie et qui va à l'encontre même de sa structure psychologique ordinaire. Alors, on pourrait dire qu'il est courageux. Téméraire, peut-être? Non. Téméraire, c'est lorsqu'il y a le concept du courage bien implanté dans l'ego. Alors, l'individu n'est plus courageux. Il devient fanatique courageux. Il devient téméraire. Alors lui, il n'a pas besoin de réfléchir longtemps avant de savoir s'il y va ou pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur du fait que donc, ce n'est pas du courage. Par contre, il a le concept qui vénère le phénomène des exploits. Et ça peut être conscient ou inconscient. De toute façon, l'ego est quand même coloré, énormément coloré par ce concept du courage. Alors l'individu a besoin maintenant de se nourrir de ce genre de réussite. Alors, il se lance de temps en temps, il va parler de courage, parce qu'il a l'impression de faire ce que les autres ne font pas. Alors, il va marcher sur le bord d'une corniche de maison pour pouvoir se prouver qu'il est courageux. Alors qu'en réalité, un individu qui aurait à marcher sur le bord de la même corniche, dans un but logique, devra être courageux. Mais lui, le faisant exclusivement pour nourrir son concept de courage, est téméraire. C'est autre chose. L'ego est imbécile. Le moindrement qu'il y a quelque chose de bien né dans l'ego, immédiatement, c'est expérimenté, ça devient émotivisé, et par la suite, l'ego a besoin de s'en nourrir, donc il va recréer les mêmes stimuli, ce qui fait que lentement, les qualités de l'ego deviennent des problèmes. Le courage, c'est génial une ou deux fois dans sa vie. Quand ça devient absolument fréquent, on en a besoin pour se nourrir. Alors, on devient téméraire rapidement. Les professionnels du courage se pètent la gueule souvent, ils meurent plus souvent que ceux qui commencent. Parce qu'ils n'ont plus de paramètres astrales. L'astral n'étant pas intelligent, il faut des paramètres. La peur est un frein. La souffrance interne est le tremplin. Alors, quand tu souffres de voir que quelqu'un meurt dans un incendie, et la peur en même temps t'empêche d'y aller, eh bien, tu as le frein, le tremplin. C'est le tremplin légèrement plus fort, parce que le mental, par une structuration, comme je viens de l'expliquer, arrive à faire en sorte que le tremplin est plus puissant, tu retournes dans la maison. Mais la peur te freine. Tu feras attention, tu vérifieras les planches avec les clous, tu ramperas sur le bord du plancher, tu feras un paquet de choses dans le genre, et tu, à chaque pied que tu avances, tu remettras en question ton action. Bon, est-ce que c'est trop chaud? Tu peux analyser tout ce qui se passe autour de toi, et puis finalement, peut-être que tu vas rebrousser chemin, ou finalement continuer. Il y a toujours l'accident qui est possible, mais ça n'a rien à voir avec le courage. Tandis que celui qui devient téméraire, eh bien, il en a besoin comme nourriture, alors il rentre dedans, et tout le temps qu'il est dedans, il se nourrit. Alors, il n'est pas question de juger, d'analyser, de se demander s'il sort ou pas. Quand il sera suffisamment nourri, il va sortir. Client ou pas, il va sortir. Et là, tout le monde pourra l'applaudir, et il sera content. Pour quelqu'un qui a une capacité énergétique qui lui permet de percevoir de grands ensembles et peut-être d'induire sa destinée, Est-ce qu'il y a une notion de courage qui joue quand il voit la destinée qu'il a à accomplir, puis son ego est oui. encore plus... Oui. Maintenant, on doit faire encore une nuance. Il n'y a pas de courage du point de vue supramental, il n'y a pas de courage du point de vue bouddhique ni intentionnel, donc divin. Le courage est encore une mécanicité typiquement égoïque, mais c'est sans doute l'une des plus grandes effluves de l'ego, l'une des plus nobles. Maintenant, on doit encore faire attention, le courage qui devient une nourriture pour l'ego n'est plus du courage. C'est comme une humilité égoïque qui devient une nourriture pour l'ego. Il est modeste puis il s'en vante. Non. Le courage, au niveau des structures d'évolution, c'est une mécanicité qui ne regarde que l'ego. Et le courage permet à l'individu, de temps en temps, d'exprimer un peu plus cette divinité par l'intermédiaire de son ego. Donc, quand un individu devient courageux, il est totalement manipulé par de l'intelligence. Totalement. Il ne le sait pas. C'est pas grave. Tant mieux. Mais il est manipulé par de l'intelligence. Quelqu'un qui donne sa vie pour sauver quelqu'un, c'est l'intelligence qui le manipule. Tu vas dire, oui, mais c'est con, il meurt. C'est ça. L'intelligence fait ça. Daniel, lorsqu'on atteint la période du doute cosmique, qu'on doute de la vie, la mort, la réincarnation, etc., de l'intelligence de tous ces phénomènes et que l'on est tenté fréquemment de se suicider, alors, on doute aussi de l'intelligence de poser ce geste. Comment s'assurer que l'on ne sera pas manipulé pendant une période de faiblesse et éviter le suicide inutile? Qui ou quoi me manipule? Signé un dîner gastronomique au McDo. Oh, ben ça, je savais déjà, franchement, si c'est ça. Alors, lorsqu'on atteint le doute, la période du doute cosmique, probablement, il faudrait vérifier, oui, effectivement, c'est le doute cosmique. On doute de tout. Et comment s'assurer que l'on ne sera pas manipulé pendant une période de faiblesse et éviter le suicide inutile? Ce qu'il faut parfaitement bien comprendre dans ce genre de situation, c'est que l'être humain doit douter de tout. Si l'être humain doute de tout, il doit douter de tout. Premièrement, la personne, l'individu, quel que soit l'individu qui, à un moment donné, va arriver à ce genre d'étape où, finalement, plus rien n'a de sens. Sur ce plan planétaire, si on devient moindrement intelligent, il n'y a plus grand-chose qui ait du sens. Pour la simple raison qu'on n'est pas encore assez réveillé, mais on est juste trop réveillé, mais pas encore assez. L'être humain qui parvient, qui arrive à ce genre de doute, et qui pourrait peut-être passer proche du suicide à un moment donné, il doit instruire son ego de l'absurdité du suicide. Une chose certaine, c'est qu'il doit bien inculquer à son ego, s'enfoncer dans la tête, que dans le monde de la mort, on n'évolue pas. Donc, la solution n'est pas là. Dans le monde de la vie, c'est peut-être chiant, on comprend peut-être rien. Mais on peut comprendre. C'est là qu'on change, c'est là qu'on évolue. Alors, l'individu devra se bien s'ancrer dans la tête qu'il est alcoolique et que présentement, totalement ivre, il ne voit pas l'intelligence de la désintoxication, il ne voit pas l'intelligence des automobiles qui passent devant lui, il ne voit pas l'intelligence du trottoir qui semble mou et fructifié tel un serpent, il ne voit pas l'intelligence de son nez fracturé lorsqu'il est tombé. Il doit continuer son travail de désintoxication. Et lorsque l'alcoolique rentre dans la taverne, lorsque l'individu se suicide, ben c'est pas là qu'il va comprendre. Alors, il doit rester dehors, dans sa clinique, là où il évolue, et il doit attendre. Il y a une chose. Peut-être, peut-il se dire, que tout est une farce. Mais la seule manière, la seule possibilité de solution, c'est en restant vivant. Les gens ne naissent pas pour rien. Quand il dort, il ne sait pas plus. C'est quand il est éveillé qu'il se pose ces maudites questions. C'est quand il est éveillé qu'il voit ce doute. C'est quand il est éveillé qu'il a peut-être peur. C'est quand il est éveillé que tout se passe. C'est donc éveillé que ça se passe. Alors, s'il se suicide, il recommence. S'il reste réveillé, il a déjà recommencé. Donc, s'il reste vivant, il y a la seule chance qu'il peut trouver, c'est en restant vivant. Et lorsque, à un moment donné, il aura vu, il faut bien comprendre une chose. C'est pour l'ego que je dis ça. Si l'individu arrive à ce doute en m'écoutant, moi, ou un autre, et qu'il en arrive à souffrir à ce point-là, en m'écoutant, moi, et quand il m'en parle, et quand on me pose ces questions, je continue à répondre avec le sourire, c'est que j'ai passé par là. Je suis passé par là. Et si avec tout ce que je sais, dont la majorité reste secret, je ne dis pas tout. Moi, j'arrive encore à vivre sans me suicider. C'est que sans doute une solution quelque part que j'ai trouvée. Un pas religieuse, un pas archétypale, elle ne revient pas du passé, un pas missionné. Non. Alors, ça prouve au moins une chose, c'est que si moi j'arrive à faire cela chez l'individu, puis que moi j'en souffre pas, même si j'ai prévu que ça arriverait, c'est que j'ai effectivement trouvé quelque chose d'autre de bon. Il faut juste attendre. L'individu qui serait dans une phase très, très, très pénible ne devrait pas prendre d'alcool, mais de l'aspirine. Il ne devrait pas prendre de drogue, mais une douche froide. Au pire, il doit venir à des conférences, il doit poser des questions de temps en temps, il doit faire de la course dehors, il doit simplement se dire, bof, tant qu'à être à l'école, on va rester à l'école, même si je ne sais plus qu'est-ce que je fais là. Une chose certaine, c'est que j'en ai parlé avant que ça arrive à certaines personnes, puis moi, je continue à faire mes conférences et à m'amuser. Je continue à travailler, je continue à vivre, je continue à voir des choses. Alors, il faut se laisser le temps de voir un peu plus, puis on verra un peu plus. Puis si l'individu, malgré tout, se suicide, ça sera dommage. Le doute absolu, c'est douter de soi. Le Nazaréen a donc dû douter de lui et qu'il était vraiment lui. Comment a-t-il su et à quel moment qui il était et que ce n'était pas une manipulation astrale? Il l'a su en l'an 27. Il déambulait dans les champs. Et il a entendu un paquet de monde crier qui s'est approché. Et là, il a vu un paquet de monde. Ça pleurait, ça criait. Il y avait un cours d'eau qui passait là. C'était plein de gens dans l'eau. Et puis, il y avait une grande gueule qui criait. Puis qui arrosait les gens d'eau. Il s'est approché, il a reconnu Jean le Baptiste. Alors, il est allé voir Jean le Baptiste, le plus puissant de l'époque. Et Jean le Baptiste a dit, c'est pas ce que tu viens faire ici, mais ça doit être l'inverse. Étant donné que la plus haute autorité de l'époque qui ressent, qui vibrait avec le travail même du Nazaréen, a reconnu le Nazaréen. C'est un baptême. Alors le Nazaréen a donc été baptisé par le Baptiste, et à partir de ce moment donné-là, le Nazaréen savait, s'était fait confirmer qui il était. Dans le monde planétaire, le doute persiste jusqu'au jour où une entité qui a un cheminement évolutif parallèle reconnaît. La journée que moi je reconnais Marc, sans que lui me parle de ses problèmes, alors Marc peut être sûr que c'est ça. La journée où Marc me reconnaît sans que je parle de mes problèmes, alors je peux être sûr que c'est ça. Si par contre je rencontre un individu trop faible et qu'il me reconnaît, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi on est sûr de ce qu'on est du point de vue planétaire seulement si on peut se faire confirmer par quelqu'un d'autre. J'ai déjà dit que personne ne s'était baptisé de lui-même, même pas le Nazaréen. Au cas. Une fois qu'une entité supérieure à la règne humain te reconnaît, OK. Et qui détermine qui est capable de te reconnaître? Toi. Moi, je m'en vais, je rencontre Brian Mulroney. Il me reconnaît. Je ne peux pas lui faire confiance. Donc, je doute. C'est l'individu qui va déterminer qui peut le baptiser. Quel va être le processus de baptême du grand monarque? Oh, c'est bien compliqué à dire. C'est pas un baptême avec de l'eau. C'est les événements qui vont le baptiser. Mais le symbolisme de... Je te donne un exemple. C'est extrêmement bien fait. Le grand monarque, personne ne sait qui il est. Ni même lui. Pour la simple raison que si une conscience humaine planétaire le saurait qui il est, même lui, l'astral le saurait. Parce que tout est focusé vers. On ne doit pas connaître le grand monarque. Et à un moment donné, ce grand monarque va devenir le grand monarque, comme Arthur a arraché Excalibur de la roche. Personne ne savait qui c'était, ni lui. Et à un moment donné, il y avait une épée qui traînait, il l'a ramassée, puis il l'a amenée à son frère. On lui a dit, va la remettre là, c'est Excalibur, c'est les chevaliers, il faut qu'il la retire. Alors il l'a remis, on s'est garoché pour la retirer, ça n'a pas marché. Finalement, il l'a retiré encore. Et même lui ne le savait pas. Et là, parce qu'il l'a retiré, donc les événements vont baptiser le grand monarque et les gens qui sont solides vont reconnaître, donc vont confirmer par la suite le baptême. Il y a toujours des baptêmes de gens qui ne comprennent rien. Mais ça va se placer à la longue. Alors, le grand monarque, c'est un avantage. Si tu es le grand monarque, puis tu le sais déjà, tu ne peux plus vivre sur une planète comme ça. Mieux vaut que tu saches rien. Si je le suis, mieux vaut que je ne sache rien. Puis si c'est une personne et c'est une femme ou un homme, mieux vaut que je ne sache pas. C'est pas le temps de le savoir. Ça ne sert à rien de le savoir. Et à un moment donné, eh bien, tu seras capable de faire une chose qui sera prophétiquement, qui pourra établir qui tu es. Comment se manifeste le doute absolu? Si le supramental ne doute pas, comment quelqu'un de supramental doute-t-il du doute à moins que le doute du doute ne soit plus un doute pantoute? C'est en plein ce que j'ai expliqué. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus d'ego. Lorsqu'un événement est observé, senti, vibré, quelle en est la mutation sur les autres plans? Tu la répètes? Lorsqu'un événement est observé, senti, vibré, quelle en est la mutation sur les autres plans? C'est bien, la question est mal posée, mais c'est une bonne question. On y revient. La conscience doute-t-elle d'elle-même? La conscience ne doute pas d'elle-même, par contre, l'ego doit douter de la conscience qu'il voit. Donc, la conscience égoïque, ou même la conscience humaine, doit douter d'elle-même. En réalité, lorsque la conscience s'installe suffisamment dans l'être humain, la conscience ne doute pas d'elle-même, la conscience se fout d'elle-même. Il va falloir qu'à un moment donné, ça finisse par être compris. L'idée de nous autoriser à être libres, de nous permettre d'être totalement libres. Premièrement, je suis manipulé. Ce que je fais, ce n'est pas moi. Alors, je reste souriant, je m'en fous. Deuxièmement, je ne peux pas dire et prétendre que parce que je m'en fous, je vais faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis manipulé. On a déjà vu. Si lui est totalement libre, je lui dis, tu es libre. Tu peux tuer quelqu'un ici dans la salle, on ne dira rien. Il ne tuera pas personne. Même s'il a la permission de tuer, il n'est pas bâti pour tuer. L'individu devient donc libre. Ce n'est pas parce que je décide que je suis libre que je fais n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas donner une claque dans le visage à quelqu'un pour rien. Je ne peux même pas haïr quelqu'un. Je suis libre de le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, je ne suis pas libre. Mais alors, je me libère au niveau de ma culpabilité, je deviens libre. Par la suite, si je ne suis pas libre de mes actes, je suis manipulé par l'intelligence ou par l'astral, un ou l'autre. Ma conscience doit rester libre. Je me drogue, c'est vache. Mais ce n'est pas moi. Je suis bien mal pris avec un ego qui se drogue, avec des facteurs réincarnationnels qui se droguent, avec des manipulations d'intelligence qui droguent mon corps, avec ce que vous voudrez. Mais ce n'est pas moi. Alors je reste libre. Amenez-moi à n'importe quelle merde planétaire, ça ne me dérangera pas. Je suis handicapé, paralysé, quadriplégique, couché. Ma conscience restera la même. Peut-être qu'elle envisagera l'euthanasie. Si on ne veut pas, elle ne souffrira pas. Et à un moment donné, on peut donc se permettre aussi de dire n'importe quoi. C'est une grande qualité de l'homme d'être capable de dire n'importe quoi à des oreilles qui sont capables d'entendre n'importe quoi. Ça veut dire quoi, dire n'importe quoi? Ça veut dire être capable de vider l'eau froide du canal chaud de l'ajusteur de pensée. Et pour le vider, on doit travailler avec un individu. Et celui-ci ne doit se rappeler de rien de ce qu'on va dire. Alors on vide tous les deux. Et on commence à parler pour rien dire. Demain, on peut tout changer. Oh, que ça libère l'humain. Et vous devrez finir par en arriver là. C'est la liberté. Alors, nous parlons de réincarnation. Tu es la réincarnation de qui, Marc? Tout un camon. Il ne se permet pas de dire n'importe quoi parce qu'il pourra rire. Tout un camon. As-tu été assassiné ou si tu es mort de vieillesse? J'ai été empoisonné. Vers quel âge? Mon jeune. Jeune? Vingtaine. Toutankhamon est mort assassiné à l'âge de 19 ans. Tu le savais? Bon. Vu qu'il ne le savait pas et qu'il me répond exactement ce qu'il en est, il a été drogué et on l'a achevé avec un coup sur la tête. Alors, donc, mais peut-être qu'il a des mémoires de Toutankhamon. Ça se peut. Tout se peut. Mais si on parle pour parler, eh bien, on s'en fout. Et puis, on continue. Et puis on peut arriver à se rendre compte qu'il est peut-être la réincarnation des plus grands pharaons. Et qu'il a peut-être un rôle à jouer. Et puis quand on est venu dans notre soirée, on dit « Ouais, ben c'était réchauffant, c'était pas mal bien. » On oublie tout. Si on pourrait communiquer comme ça, en quelques années, la planète serait changée. Parce que toutes les cochonneries qui vous empêchent de devenir intelligent, vous pourriez les rejeter, et nous, on n'en tiendrait pas compte. C'est ça le doute. Il a juste mental de parvenir non plus à douter, mais à se foutre de là. La conscience ne doute pas d'elle, elle se fout d'elle-même. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et une fois qu'il l'a dit, eh bien, on s'en va jouer aux poules. Parfait. Sauf que l'humain, après une soirée, s'il a trop d'ego, va dire, « Ouais, mais n'empêche que j'avais raison comme ça. Ah, ben, t'as parlé, peut-être que c'est ça. » Ça ne valait même pas peine qu'il ait de la conscience. Il perd son temps, maintenant. C'est comme si tu dirais, « Cré, ben, je suis Daniel Kim. T'as parlé. Wow! Ça, il sert à quoi d'être Daniel Kim s'il commence à foirer son derrière à être Daniel Kim? Lui, dit, « Cré, je suis mort. » Ou tout en camon. Si, il y a des mémoires internationales de tout en camon. De tout en camon, on ne peut pas commencer à triper sur lui. Donc, c'est un ego autre que Toutankhamon qui tripe d'être Toutankhamon. Et c'est faux. Il n'est pas Toutankhamon, l'ego qui tripe. Alors, la conscience se fout d'elle. En ce sens qu'elle ne porte pas d'importance à ce qui est sorti. La conscience de l'énergie à une température qui s'exprime à une température inférieure. Alors, pourquoi mettre de l'importance dans ce qui est exprimé alors que ce qui est exprimé est de toute façon inajusté et un peu faux? Fait qu'on s'en fout. Il y a quelqu'un qui me parlait d'une réincarnation et on parlait d'Aménophis. J'ai failli lui poser, es-tu Aménophis? 1, 2, 3, 4. Bon, fou. Lui me répond, il y en avait plus qu'un. Mais on parle pour parler. Alors j'aurais pu continuer en lui disant, hey, peut-être tu étais le serviteur d'Aménophis. Peut-être tu étais les historiens d'Aménophis. Et c'est pourquoi tu as des mémoires. Et puis, une fois qu'on aurait fini, il faudrait que la personne elle oublie tout. Il y a des manières de faire ce genre de travail. Mais la conscience doit premièrement se foutre d'elle-même. Ça, est-ce que c'est le prochain PMC Plus qui peut aborder ce type de... Ben, c'est le travail que je vais faire au niveau du prochain PMC Plus. Mais là, il restera à voir ce qui va se passer. Mais c'est évident qu'au niveau de cheminer sur des mémoires qui nous constituent, peut nous permettre de digérer ces mémoires-là. Donc, on se coupe d'un karma du passé intéressant. Et deuxièmement, on canalise suffisamment d'énergie en récupérant cette mémoire-là pour la laisser transparaître les qualités et les défauts de ces mémoires réincarnées. Et parce qu'on a de la conscience, on devrait être capable d'éliminer ces défauts et ne conserver que de l'énergie supportant les qualités des mémoires réincarnatives. Cela veut dire que si tu étais Toutankhamon, bien la journée que tu auras digéré Toutankhamon, veux pas, il y a des choses qui vont changer chez toi. Au niveau du respect des autres humains, les personnes d'affaires ou les personnes dans la société qui vont te rencontrer auront la vibration de rencontrer un empereur. Les portes vont s'ouvrir d'une façon plutôt magique. Alors que quelqu'un vient frapper une porte, un autre frappe une porte, toi tu frappes à la porte et la personne te voyant à la face, elle est stimulée par... Il y a plusieurs choses qui peuvent changer au niveau de la vie d'un individu. C'est évident qu'un individu qui a été l'esclave de tout le monde jusqu'à aujourd'hui, il va dire, ouais, alors moi je ne vois pas l'intelligence d'aller récupérer des mémoires d'esclaves, les digérer pour après ça continuer à être l'esclave des gens aujourd'hui. Je répète que maintenant qu'on est intelligent, qu'on a du mental à l'intérieur de soi, on peut se servir des qualités. Et un esclave a plein de qualités. Et on peut aussi exprimer les défauts. Il y a un danger. Parce qu'on est théoriquement suffisamment puissant, on devrait être capable aussi de digérer ces défauts. Défauts qui de toute façon s'expriment chez soi. Alors, il y a des mécanicités. Là, on a commencé à s'amuser. Effectivement, on découvre des choses intéressantes, mais il faudrait qu'on continue à fouiller pour voir. Jésus n'a-t-il pas servi de phare pour les autres? Il a été tué avec contentement. Pourquoi? Je t'apportais à rajouter là-dessus, pourquoi est-ce qu'un être qui était divin, qui pouvait guérir les gens, puis que... Mais le Nazaréen ne pouvait pas guérir les gens. Le Christ pouvait guérir les gens? Non plus. Mais les gens étaient guéris. Ah oui. Par quelle mécanicité les gens étaient guéris? Par tétage. Mais suppose un individu qui a une énergie telle que par tétage, il guérisse les gens. Pourquoi a-t-il accepté... Par tétage, les gens se trouvent guéris. Pourquoi a-t-il accepté la mascarade de la crucifixion? Pourquoi il a accepté la mascarade de la crucifixion? Pour la simple raison qu'il devait absolument, c'était... Premièrement, il devait se séparer de l'ego de Jésus. se séparant de l'ego de Jésus, il devait mortifier le corps suffisamment pour que l'ego de Jésus reprenne le dessus du point de vue instinctif pour arriver à survivre. Le Christ peut donc se détacher du corps, et parce que le corps continuait à être entretenu par l'ego de Jésus, Jésus se ramassait donc dans le corps et il était donc libéré du Christ. En réalité, le Christ est libéré de Jésus. Maintenant, le corps pouvait mourir. Remarque que ça n'aurait pas été correct non plus de laisser le corps sur la croix et de le laisser vivre là avec Jésus dedans. C'était plus écologique que le corps meure. Jésus n'a-t-il pas servi de phare pour les autres? Oui, c'est comme lorsque je me promène sur une route. J'ai des feux de position. Quelqu'un qui décide de me suivre, il me suit. Je sers de phare pour lui. Mais ce n'était pas intentionnel. Le Nazareth. En moi, est-ce que ta croissance est du même faisceau énergétique que moi? Est-ce que tu grandis dans moi, dans mon faisceau? Est-ce que tu crois en moi? L'individu qui hésitait, il y en a pas quelques qui ont dit, je comprends pas ce que tu veux dire, patati patata. La façon dont il posait la question, c'est clair. L'individu qui répondait oui, immédiatement, il le guérissait, c'est-à-dire qu'il supportait le poids karmique de ses conneries. Et nécessairement, l'individu devenait guéri. Mais ceux qui ont cru, ceux qui croissaient dans le Nazaréen, sont devenus ses esclaves. C'est-à-dire qu'il les a digérés de leur vivant. Et à l'instant où cela mourait, il se réincarnait chez le Nazaréen. Et lorsque tout le monde était récupéré, il a gagné le monde de la mort, ramassé ceux qui étaient morts pendant sa période de jeunesse. Et il a crissé son camp. Oui, mais il n'y avait pas une méthode moins dégueulasse pour mortifier le corps que de se faire crucifier. Mais c'est pas dégueulasse! C'est un point de vue de celui qui l'expérimente. Hein? Alors voilà. Alors pourquoi dis-tu que c'est dégueulasse? Ben, c'est dégueulasse. Connais-tu son point? Ben, il a gueulé sa croix, au moins, ça a été rapporté. Hein? Ouais, 2-3 minutes. Tu poses la question. Ouais. Prendre un corps physique que tu flagelles, et ce corps n'a pas suffisamment de sensibilité de toute façon, vu l'évolution neuronique de l'époque des corps physiques. Et tu lui plantes des clous dans les poignets, dans les avant-bras et dans les chevilles, dans les pieds. Et le cerveau n'enregistre pas la même douleur que toi, tu enregistrerais. Tu vois, j'ai déjà expliqué, tu vois simplement comme en Amazonie rencontrer des indigènes, et puis les indigènes donnent leur point en pleine face, puis c'est à peine s'ils l'ont senti. Ils n'ont pas la conscience, la souffrance comme on l'a nous autres. Ils n'ont pas le corps aussi raffiné. Alors il y avait, comme j'expliquais dans l'avion, une madame qui avait son bébé sur elle, des indigènes. Et puis, elle était en train de manger, le bébé écrasé là, puis elle m'en donnait à parler à quelqu'un, puis elle échappe des affaires à terre, puis elle s'est penchée. Tout écrabouillé le bébé sur le bas de la main. Toute la tête, puis tout croche au complet, puis elle pesait, puis elle remontait ses cossins. Puis le bébé, puis il cherchait qu'est-ce qui s'était passé. Douleur même pas. Prends un bébé blanc de nous autres, par exemple, écrase-le là-dedans, il va broyer pendant une demi-heure. Une crise totale. Lui, ben non, il s'est senti tout pogné, puis finalement, la douleur, c'est à peine s'il perçoit. Crucifie ça, ça souffre pas. C'est un fait. Parle de point de vue. Mais on dit que les femmes sont plus broyables que les hommes. Est-ce qu'ils sont plus évolués génétiquement? Non, astralement. Mais ça, on parle du passé. Aujourd'hui, la jambe féminine, il y a encore des symptômes, des archétypes féminins du passé. Comme le mâle a encore des symptômes, des archétypes masculins du passé. Mais de plus en plus, la femme qui évolue a tendance à être ce qu'elle est elle. Et ce qu'elle est elle est très, très, très proche de ce qu'est l'homme. Mais l'homme n'est pas encore lui. Parce que les deux évoluent, lentement. L'homme devient sensible et peut contrôler. La femme, elle est sensible et contrôle plus. Et il y a de plus en plus une espèce de pyramide. Et les deux vont avoir une tendance à finalement à être plus ou moins parallèles du point de vue de leur phénomène évolutif. Alors, dans l'Antiquité, lorsqu'on parle du Nazaréen, etc., etc., etc., il n'a pas souffert autant. Pourquoi il a été tué avec contentement? Bien, ça va de soi qu'il a été tué avec contentement. Imaginez-vous que vous avez la possibilité, enfin, de sacrifier votre camp. Mais c'est quoi la quoi être content? Par rapport à la période actuelle, quelqu'un qui est en processus de fusion, c'est quoi la mortification du corps équivalente à la crucifixion, si on ne fait pas? Montebello? Non. Ça va ça. J'allais dire une crevaison d'automobile, mais... Pour souffrir autant que le Nazaréen a souffert, aujourd'hui, l'individu devrait... se marier, non. Non, aujourd'hui, c'est quand même assez terrible. Non, équivalent à un mal de dedans. Une jambe fracturée. Du point de vue de ce que le cerveau enregistre, je parle. À l'époque, les gens se fracturaient une jambe et continuaient à marcher dessus. Aujourd'hui, elle n'est même pas cassée, puis ton sûr qu'elle lève, ça crie déjà. Le degré de souffrance n'est pas le même. Et c'est extrêmement important de considérer ça. C'est comme quand on dit que le Nazaréen a tellement souffert. C'est les gens qui l'ont vu qui ont souffert. Psychologiquement, pas physiquement, pas lui. Mais si on fait une projection, est-ce que dans les évolutions subséquentes qui s'en viennent, il va y avoir une gang de mauviettes sur la Terre qui vont, ils vont crier à moi de toute affaire qui va se passer? Ils vont devenir de plus en plus... Des tapettes? Non. Mais pas des tapettes, des mauviettes, dans le sens qu'ils sont hypersensibles. Il y en a bien un paquet. La majorité des jeunes sont hyper tapettes, hyper mauviettes. On a un paquet d'adultes avec comme ça. Tu vas au cinéma trois fois par semaine. Dans les années fin 70, début 80, tu peux y aller une fois par semaine. On parle de crise économique, de récession totale. Au cinéma encore, une fois par semaine. On a encore des automobiles, on roule encore, on a des systèmes de son. On parle de crise économique aiguë. Bon, je pense que le degré de souffrance n'est plus le même. Hein. Les tapettes, il y en a en masse. Les jeunes, ça se suicide sur le rôle de leur Walkman. Bon, avant, il aurait fallu que tu massacres toute ta famille au complet devant lui. Alors, effectivement, des tapettes, il y en a de plus en plus. Mais c'est parce que l'individu devient tellement, du point de vue physique, tellement évolué, mais du point de vue de l'ego, c'est pas encore constitué. Tellement sensible que ce qui se passe chez lui. Tu regardes simplement une jeune ou un jeune qui s'en va dans une fête, dans un party, et puis tu fais juste lui mettre une petite tache quelque part où ça paraît même pas, puis c'est la catastrophe noire. Il ne peut plus sortir, il tourne à la maison, c'est la panique, il ne peut pas y aller de même, c'est le gros, gros problème. Tu n'as pas de jeune, d'adolescent, mais à un moment donné, c'est des indécents, je ne suis pas d'adolescent. Ça ne peut plus sortir, ça prend 21 souliers, c'est pire que les comtesses qu'on avait à l'époque du 17e siècle. Puis quand elles sont toutes cute, ils sortent avec des jeans, un veston par-dessus, une cravate à pois, puis des cheveux verts. Ils sont corrects. Alors, le degré de... Effectivement, on a une société de plus en plus tapette. C'est pourquoi les guerres permettent des évolutions plus logiques que des temps de paix. Mais ce processus de réchauffement-là de l'individu dans sa conscience accroît sa sensibilité. Il doit avoir un point où ça arrête, ça. Il devient tellement sensible, tellement sensible, qu'à un moment donné, il sensibilise le contact supramental. Et à partir de ce point-là, celui-ci va commencer à venir réénergiser le périsprit, et l'individu va commencer à perdre lentement cette sensibilité un peu problématique. Pour conserver une ouverture du point de vue du contact supramental, alors lentement, il finit par reconsidérer toutes ses souffrances. Et lentement, il finit par se déboire, une tâche en cravate, ça peut faire. Puis lentement, il change de choses comme ça. Puis là, il y en a justement qui va se faire. Ou peut-être j'en change de cravate, mais il n'en souffrira plus. S'il n'y en a pas d'autres, il va conserver, il n'en souffrira pas. La sensibilité diminue de cette façon-là. Les manipulations extérieures qui, par l'extrême sensibilité, te ramassent carrément l'individu, finissent lentement par être atténuées, étant donné qu'il est moins sensible. Et il devient un peu plus supramentalisé jusqu'au jour où il devient une personne transitive avancée, puis finalement, il sera une personne nouvelle. Un jour, quelqu'un a croqué une pomme et cela nous a laissé quelques pépins. Où était l'intelligence d'obscurcir la conscience de l'homme? Quel était l'intérêt de Lucifer à ce que l'homme conscientise la pomme? Est-ce que l'homme était l'enjeu ou le bouc émissaire des deux forces antagonistes? Il n'y avait aucune raison intelligente d'obscurcir la conscience de l'homme. Quel était l'intérêt de Lucifer à ce que l'homme se conscientise la pomme? Lucifer était devenu l'homme. Il voulait sacrer son cul. Est-ce que l'homme était l'enjeu, le bouc émissaire des deux forces? L'homme, c'est les deux. C'est toujours une problématique parce qu'on manque de mots. Il y a l'homme cosmique, l'homme réel, l'homme nouveau, l'homme ancien, la tarte. L'ego, l'âme, le virus, Lucifer, Satan, Ariman, Dieu, l'intelligence. Il y a quand même beaucoup de mots, mais il en manque encore. Alors, un jour, quelqu'un a croqué une pomme, et cela nous a laissé quelques pépins. Ça, c'est l'explication biblique pour culpabiliser la conscience de l'homme. Mais les pommes, elles ont toujours été là, les pommes, il y en a encore aujourd'hui, les pommes. C'est la conscience. Alors, à un moment donné, l'être humain est devenu conscient. Devenant conscient, il s'est rendu compte de son état. Ça va de soi, c'est comme ça. Se rendant compte de son état, il a commencé à sacrer. Et plus on se conscientise, plus on se rend compte comment on est mal pris. Et c'est pas à cause qu'on mange dans une pomme ou à cause qu'on a... C'est évident. Dieu le dit à l'homme. Tant que vous restez calme et imbécile, vous ne verrez pas votre merde. Alors, vous ne vous trouverez pas. La journée que l'être humain finit par ouvrir ses yeux, c'est pas lui qui a décidé. L'homme est manipulé. Il n'a pas décidé. Lucifer était dans l'homme. C'est la fonction même des énergies luciférienne, des énergies luminescentes dans l'homme, que de grossir, de rayonner à travers l'homme. Alors, lentement, à travers les générations, à travers l'évolution, à travers l'expérience, les manipulations astrales, les sécrétions endocriniennes, les cellularisations, lentement, l'homme finit par voir. Il y a eu un temps où notre vision s'arrêtait à quelques pieds. Oh, nos yeux voyaient plus loin. On ne conscientisait pas ce qu'on voyait. Alors, on pouvait être tous les deux assis ici, puis s'engueuler dans un restaurant du passé, puis personne ne faisait attention à nous autres. Personne ne nous attendait, personne ne nous voyait. Ça rentrait, c'était perçu, mais pas dans la conscience. Puis à un moment donné, bien lentement, je commence à trouver qu'il me dérange, le voisin. Ma conscience grandit. Puis là, à un moment donné, bien, je suis mal pris. Je ne peux plus aller dans ce restaurant-là parce qu'ils font rien que gueuler puis péter. Ça me dérange. Alors, je suis mal pris. Je deviens marginal. Les restaurants sont tous pareils. Puis je dois attendre quelques années d'évolution, quelques centaines d'années, que tout le monde finisse par plus être capable de supporter ça. Et là, ça change. Et là, je suis bien. Jusqu'au jour où je recommence encore à avoir de quoi. Les crachoirs, j'en veux plus. Puis, etc., etc. Parce que ma sensibilité devient accrue. Ce n'est pas une question de choix. L'intelligence d'obscurcir la conscience de l'homme, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans, c'est une mécanique. Telle est l'intelligence de faire en sorte que quand on place sa main dans le frigidaire qui marche, notre main est gelée. C'est une mécanique. C'est pas de l'intelligence. Lorsque j'aurai suffisamment d'énergie à mettre ma main dans le frigidaire, tout va dégeler. Je vais avoir encore un problème karmique. Ma femme. Ce n'est pas une question d'intelligence. On est toujours en train de s'illusionner qu'en haut de nous, c'est supérieur. Le feu, vous êtes dans l'eau. Et vous avez froid. Et vous voyez une personne qui a une immense torche à l'extérieur de l'eau, qui éclaire la surface du lac. Et vous vous dites, maudit, pourquoi il ne met pas sa torche dans l'eau pour me réchauffer? Ah oui, c'est beaucoup plus chaud la flamme de la torche que ton eau, ou que simplement son reflet. Le reflet te fait dire que ça existe. Et pourquoi qu'il n'y avait pas dans l'eau? Parce qu'il n'est pas un câble. Si tu mets dans l'eau, sa flamme, sa torche, ça va s'éteindre. Oui, mais c'est quoi l'intelligence de nous laisser geler? Ils ne peuvent pas vous réchauffer. Mais tu peux te diriger vers la lueur, puis sortir de l'eau, puis là, ça te réchauffer. Mais pourquoi qu'il ne descend pas? Ben, il ne peut pas descendre. S'il descend, c'est ce qui est arrivé avant. On est descendu, puis nos torches sont éteintes. Là, maintenant, avec l'élan, bien là, on commence notre évolution, on voit des torches. Ils sont en haut, ils éclairent, ils attendent qu'on grimpe. Mais ils ne peuvent pas la descendre dans l'eau. L'intelligence ne peut pas descendre dans l'inintelligence puis la rendre intelligente. L'inintelligence, quand elle aura épuisé, quand elle aura suffisamment expérimenté le mécanique, vu qu'elle est mémorielle. L'inintelligence mémorielle ayant suffisamment expérimenté de mécanique, elle va apprendre. Apprenant, elle va parvenir à un simulacre d'intelligence, qui est l'intellect, et elle va parvenir à un simulacre de conséquentialité. L'astral et le monde froid dans lequel on est, c'est exactement comme un ordinateur. Bon, il y a un film qui est intéressant, si on veut comprendre l'idée, c'est le jeu de guerre. Un immense ordinateur américain qui est conçu pour répondre à des attaques. Alors, à un moment donné, bien, quand on fait des pratiques de lancement de missiles, il y a deux bonhommes dans chacun des silos qui doivent tourner deux clés en même temps. Puis il y a toujours un 12 à 13% de militaires qui refusent de tourner les clés. Donc, des missiles qui ne partiront pas si l'Union soviétique lance une attaque massive nucléaire. Pour éliminer cela, on met un ordinateur qui va s'occuper de tout. Il va contrôler les bombardiers, il va faire ceci, il va s'occuper de tout. Et lentement, il y a un enfant qui commence à jouer avec son ordinateur, qui rentre en contact avec cet ordinateur-là par une porte en arrière, un code, qui appartient seulement au constructeur de l'ordinateur. C'est le nom de son fils qui est mort d'un accident. Et puis là, l'ordinateur lui dit « Bonjour, docteur machin, voulez-vous jouer? » Les échecs, ceci, cela, cela, et jeu de guerre nucléaire globale. L'enfant décide de jouer au jeu de guerre nucléaire globale. L'ordinateur étant connecté sur tous les systèmes américains, ben, les radars détectent des missiles, des sous-marins russes qui se dirigent vers eux autres. On passe en défense condition 4 et 3 et 2, puis à 1, on lance tout. Alors, c'est exactement ça. Je dis « Comment ils vont solutionner le problème? » Ben, l'enfant va finir par lui demander de jouer au... Tic-tac-toe. Puis l'ordinateur joue contre lui. Alors il met X, il met O, il met X, il met O, il met rien. Aucun gagnant. Il recommence. Puis là, on passe en défense condition 2. Les missiles sont toutes prêtes à partir. Puis là, il joue, jusqu'à temps qu'il trouve le jeu de place. Il vient d'apprendre. Puis là, il calcule, il lance ses missiles qui vont gagner la guerre nucléaire. Il commence à mesurer, aucun gagnant. Il essaye une autre stratégie, aucun gagnant. Puis là, il joue, jamais de gagnant. Fait qu'il finit par dire, le jeu est plate. Pourquoi je pose échec? Alors, la guerre nucléaire est éliminée. C'est comme ça que marche l'astral. La Terre, c'est pas intelligent, l'ordinateur non plus, il est mécanique. Mais à travers des milliards d'années d'expérience, il va apprendre. Étant donné qu'il aura tout essayé dans sa mémoire des conditions particulières, puis il va s'être cassé la gueule régulièrement, il va toujours essayer des nouveautés. L'astral s'amuse. Et le monde de la mort sert à cela. Et l'âme, connectée au monde de la mort, sert aussi à permettre à l'être humain de changer les conditions. L'âme est ce qui anime, stimulant du corps. Ça fait muter le corps. L'intelligence, elle est là, elle attend. Quand on aura exploré toute l'eau du lac, tout le sol du lac, et qu'il restera juste l'air à explorer, même si on est con et stupide, on va sortir à l'air. Quand on aura chié suffisamment le fond du lac, on finit par arriver là en haut. Bon. L'astral, c'est comme ça. Ça apprend. Quelle est l'intelligence d'obscurcir la conscience de l'homme? Il n'y en a pas. C'est une mécanique. C'est comme cela. J'ai déjà expliqué souvent à certaines conférences comment. À un moment donné, on pourrait revenir aussi au niveau des conférences régulières. Comment? Et on peut aussi se référer au processus de fusion, conférence que j'ai faite au début de l'année, une conférence du vendredi. Alors, de quelle façon l'astral ou etc., l'astral travaille toujours contre l'humain, il n'a pas le choix, c'est qu'il apprend. Étant donné qu'apprenant, on s'énergise, on a un contact avec le mental, supramental, eh bien, en plus, on vient donner de l'information à l'astral et il apprend. C'est pourquoi on doit instruire son ego. Et on doit aussi instruire l'astral, simplement. Et à travers des millions d'années, parce que la mémoire astrale est immense, puis les possibilités d'illogisme sont plus grandes que les possibilités de logique. Alors, on se casse la gueule beaucoup plus souvent qu'on réussit des bonnes choses. Étant donné qu'en plus, il y a l'émotion, le facteur émotif, le facteur d'identification interne de chaque ordinateur, de chaque mémoire, de chaque ego, bien, il y a des guerres entre l'un et l'autre. Et quand un ego a expérimenté toutes les possibilités de son monde, c'est là qu'il doute de son monde, et c'est là qu'il s'avance d'un pas. S'avançant d'un pas, il passe en haut de tout le monde. Et comme les autres n'ont pas fini d'expérimenter des conditions leur permettant de passer un pas plus haut, au niveau astral, bien, nécessairement, il devient marginal. Ceux-ci souffrent de le voir de même parce que ceux-ci se sentent insécurs parce qu'ils doutent de lui ou d'eux autres. Ils veulent le replanter. Tu ne peux pas demander à un témoin de Jéhovah de devenir intelligent. Il le deviendra tout seul. Ce n'est pas une question de demande. Tu ne peux pas demander à une personne qui se conscientise supramentalement de devenir intelligent. Lorsque l'individu aura suffisamment expérimenté certains facteurs inhérents à la structure de sa conscience astrale, veut pas, il va sortir. Quand je dis aux gens, continue à faire ce que tu fais, c'est frustrant comme réponse, c'est la réponse. Alors, la conscience, c'est la même chose. Bon, quel intérêt de l'obscurcir? Ou encore, pourquoi bien souvent on a l'impression que pourquoi ça ne vient pas carrément nous aider? C'est ce que ça fait. C'est exactement ce que ça fait. Mais ça se fait avec une mécanique qui est spatio-temporelle, une mécanique d'identification, d'expansion universelle, avec une mécanique de mémorisation expérientielle, comme l'homme est bâti. Alors, ça apprend. La planète Terre, elle apprend. Mais il y en a à apprendre là-dedans. Parce que tout l'apprentissage est inégalement réparti. Selon les telluries, les conditions génétiques, les conditions de réincarnation, les religions, la condition sociale, la liberté matérielle, les guerres, conditions sociales, ça dépend. Alors, veut pas, il y a des régions qui sont privilégiées, le Québec, les États-Unis d'Amérique, des religions moins privilégiées, le reste de l'hémisphère nord, et des régions pas favorisées du tout, la majorité de l'hémisphère sud. Avant, c'était l'inverse. Tout ce qui a été puisé là a été ramassé, ça ne sert plus à rien. En haut, c'est neuf, ça a monté en haut. C'est simple. Il y a eu l'Égypte, il y en a eu un paquet avant. Les Mayols, les Toltecs, etc. C'était pas sur le nord de la planète que ça brillait, c'était en bas. Et maintenant, c'est en haut, l'Inde, c'est en bas. Bon, c'est simplement une mécanique. Il faut qu'on arrive à comprendre le phénomène de la mécanique. L'intelligence, c'est nous. Mais nous n'avons pas constitué la face astrale ou la face stellaire de notre monde. Nous n'avons rien constitué. Nous avons fait un pet quelque part, puis on veut récupérer ce qui est sorti. Et là, on part à la recherche des conditions en question, on rentre dans la création, on s'effuse, puis on se rend compte qu'on se refroidit. Alors, à un moment donné, une partie de ma conscience s'en va chez toi, chez lui, chez elle, de façon à ce que la majorité de la conscience soit présente à la même place, sauf qu'étant donné qu'il y a de la mémoire expérientielle, qui va faire en sorte qu'après cette course à la gueule pendant 20 000 ans, on va se réunir en deux. Après 30 millions d'années, on va se réunir en société. Après quelques milliers d'années, on pense à devenir planétaire. Et on va finir par refaire des cheminements où ce que ta conscience pourra s'allier à la mienne, puis on pourra travailler ensemble dans l'intelligence, une logique écologique, une logique de maison, et on pourra arriver à faire des choses qui vont exprimer dans notre structure expérientielle l'idée qu'il y a un programmeur autre que juste la mécanique accidentelle des relations entre les humains, un programmeur plus brillant, plus efficace, l'intelligence supramentale, et là, lentement, l'ego, la sphère astrale, mécanique, mémorielle, va accepter d'être programmé par le mental, via le mental, par l'intelligence supramentale. Et ça prend très, très peu d'années. Ça a pris 14,5 milliards d'années, finalement. Puis même si on devrait que c'est grand, c'est long, c'est pas grave, c'est passé. Mais on s'en fout. Il reste encore quelques milliards d'années à faire. Sauf que le contexte temporel de la conscience vibratoire de l'homme est un contexte qui est exponentiel. Le temps va de plus en plus rapidement. Alors, c'est pas grave, ça ne dérange rien. On pourra passer... Les derniers milliards d'années, ils vont se faire dans un éternuement divin, un éternuement brahmique. On s'en fout. Il paraît que le clignement d'œil de Brahma, c'est 13 millions d'années. Bon, on clignera deux, trois fois, puis on aura fini. Mais le programmeur brillant, là, un individu qui a une personnalité mentale... Juste une chose. Le programmeur brillant ne peut programmer que selon les facultés qu'a la chose à programmer, à être programmée. D'où l'obligation d'attendre encore que la structure finisse par être prête. Tu ne peux pas placer un logiciel de la NASA dans un micro-ordinateur de maison. L'ordinateur ne peut pas rien faire avec ça. Il n'est pas assez rapide. Mais dans un monde énergétiquement froid qui est fait de mécanicité complète et qui n'a pas, vous aviez une personne donnée d'intentionnalité particulière vis-à-vis de cette personne-là, dans le contexte froid ou énergétique ou micro. Pas qu'on vienne là-dessus, l'intentionnalité, à un moment donné. Oui, entre autres, parce que l'intentionnalité dans le contexte de mécanicité, c'est un peu paradoxal. Mais est-ce que la notion de personnalité au niveau supramental, d'individualité, je le prends dans le sens d'individualité, est possible à un niveau supramental? Oui. Dans les paliers les plus inférieurs de la conscience supramentale, il y a de l'individualité. Puis dans les paliers supérieurs, c'est de l'impersonnalisation. C'est une impersonnalisation qui pourrait être synonyme d'individualité fusionnelle. Une individualité fusionnelle, c'est une espèce de collectivisme... Intentionnel. Intentionnel. Peux-tu élaborer sur cette... Oui. Merci. Bon. Question suivante. Tu veux pas élaborer là-dessus? Je demandais si je pouvais. Ben oui, mais je te demande de, effectivement... C'est quoi la question? Au niveau d'un individu qui atteint un stade élevé... Ça, je le sais. La question, c'était quoi? C'est le collectivisme de conscience d'un être supramental. Oui. Comment s'exprime-t-il? Comment ça... Qu'est-ce que c'est? Premièrement, il est télépathique. C'est une relation de télépathie. Une relation de vision égalitaire des mécaniques. Du point de vue de la conscience supramentale, donc dans une location de conscience extrêmement supramentale et non pas planétaire, il y a une... coalition complète et totale de toute la mécanicité d'expression au niveau du contexte planétaire, c'est-à-dire qu'étant donné que chaque être humain est dans cette conscience, a accès à la globalité totale, à la globalité des informations astrales et événementielles, les événements mobiles, les événements fixes, les événements complexes, ils ont tous les mêmes données, donc ils ne peuvent faire autrement que de tous arriver au même résultat et aux mêmes solutions. Du point de vue planétaire, ils vont se séparer les tâches, et chacun pourra appliquer une mécanicité de solution en conformité avec un plan général qui sera simplement la vision individuelle, mais collective, au niveau de... Tout le monde aura la même vision de ce qu'il y a à faire. Quelle différence subtile il y a entre des gens qui sont vêtements collectifs à un niveau astral de ces gens-là? Le vêtement collectif suit. Le phénomène supramental devance. On est 3000 personnes à se devancer chacun. On ne se suit pas. Et par contre, il peut y avoir un troupeau de moutons conduit par un lion et vice-versa, et les gens suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je fais une chose que je vois comme étant conséquentielle. J'ai une conscience supramentale et tu en as une, et on en a tous une. Alors, on est reliés ensemble, et nécessairement, tout ce que je fais, vous envoyez l'intelligence. Vous ne le faites pas parce que je le fais, simplement pour ça. Faites donc ce que je ne fais pas. C'est logique. Et on fonctionne. Est-ce qu'on se suit? Non. Chaque fois que tu vois ta plante faner, tu l'arroses. Chaque fois que je vois la mienne faner, je l'arrose. On ne se suit pas. Moi, je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait. Je vois la globalité des choses et j'applique mon action. Toi, tu fais la même chose. Donc, on est tous des leaders, tous des devanceurs. Celui qui suit, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il voit la gang, il suit. Fait que si la gang se jette, il se jette. Si la gang se drogue, il se drogue. Il n'est pas un devanceur. Il n'est pas, disons, l'intentionnalisateur du mouvement. Alors que nous autres, on décide tous chacun notre part ce qu'on va faire. Tiens, j'ai le goût d'aller dans le bois. Puis on se ramasse 3 000 dans le bois. Il y a une collectivité. Mais on n'a rien suivi. On a fait ce qu'on voulait faire, du point de vue de la conscience qui devient libre et qui manipule l'ego. L'ego reste manipulé aller dans le bois. Mais ta conscience a décidé. C'est l'exemple que je donne. Alors, à un moment donné, ta conscience décide que là, tu vois que c'est le temps de dépolluer. Tu fais un test social, ça marche. C'est peut-être le temps. Mais c'est évident que tous ceux qui ont la même conscience que toi vont avoir fait le même test dans leurs différents pays, dans leurs différentes contrées, ils font la même chose. Mais on ne se suit pas, on n'est pas un groupement. Mais on travaille en collectivité. Cette espèce de féodalisme de l'énergie supramentale auprès de 3 000 individus, c'est exécuté. Est-ce que ça a un effet de synergie? Tout le temps, parce que les autres y suivent. Est-ce que ça implique que ça puisse faire monter en énergie chaque individu? Immanquable. Puis, s'il y a un monde, tout le monde monte. Est-ce qu'il y a des niveaux divers de progression entre les individus ou si tous, qui sont les 3 000, peuvent progresser en même temps et au même rythme? Tout se peut. Mais c'est la question. Tout se peut? Oui, c'est la réponse. Mais dans la mécanicité réelle des choses, est-ce que c'est ça qui se passe? Ça n'a aucune importance de savoir si les gens évoluent au même rythme. L'important, c'est qu'on cesse de se taper dessus. On peut soupçonner qu'il y a nécessairement une hiérarchie aussi dans ce type de... Il y aura une hiérarchie. Donc, les individus progressent. La hiérarchie réelle se termine au niveau du plan intentionnel. Pourquoi? Parce qu'il y aura un chef, plus d'Indien. Alors, il n'y aura plus de hiérarchie. Tout sera fusionné. Mais tant que tout n'est pas fusionné, il y aura toujours des parties froides, des orteils, des genoux, et puis il y aura toujours des parties plus chaudes, la tête, le cou. Alors, il y aura toujours une hiérarchie, sauf que la hiérarchie n'est pas problématique si elle n'est pas... compétitive. Non. Les hiérarchies ne sont jamais problématiques, sauf pour celui qui ne doit pas changer d'échelon. C'est tout. Parce que tu diriges sur l'humanité au complet, puis l'humanité te suive à plat ventre, c'est pas grave, ça ne dérange rien. Ça ne dérange rien, il faut qu'ils vont suivre quelque chose. Ah, c'est quelque chose. À un moment donné, un individu, lui, par exemple, veut se prendre en main, suivre quelque chose d'autre. Et là, ta hiérarchie peut l'en empêcher. Là, elle devient problématique. Mais les hiérarchies, à part l'illogisme de l'ordre dans la hiérarchie, ça ne crée pas de problème. Moi, je ne suis aucune hiérarchie. Et je n'ai aucun inconvénient à ce que les hiérarchies s'occupent des autres. Ça me laisse la paix. Je n'ai pas à m'en occuper. Puis quand un individu a besoin de quitter une hiérarchie, il faut qu'il la quitte. Puis quand... je veux travailler avec un individu, puis son seul problème encore est la hiérarchie cosmique. Ah ben là, la hiérarchie, elle me dérange. Pas psychologiquement, énergétiquement. Et puis là, on s'organise pour taper d'un coup de hache dans la hiérarchie. Puis la hiérarchie, ben le choix, elle ne peut pas nous éliminer. Alors elle va dire, bon ben elle nous monte de poste. Elle nous donne un poste. On le prend. C'est de la diplomatie. Puis lentement, on monte d'échelon après échelon. Fait que, en haut, checkez-vous. Mais est-ce que la conscience a besoin, pour son expression dans l'espace-temps où on est, d'un support d'identification, un minimum de traces d'identification? La conscience, non. La conscience absolue n'a pas besoin d'identification. La conscience absolue n'a même pas conscience qu'elle est là. Elle n'en a pas besoin non plus. Dans la conscience égoïque de l'homme, oui, c'est l'ego qui a besoin d'une trace. L'ego doit se rappeler qu'il a une conscience, parce que sinon, il ne peut pas ouvrir les portes de son corps à la conscience. Mais est-ce que 3 000 individus qui sont supramentalisés en synergie, est-ce que c'est 3 000 personnalités identiques? Non. Donc, il y a des facteurs de différenciation qui sont... Supramentalement, oui. Mais pas biologiquement, ni physiquement, ni mentalement, ni astralement, ni vitalement. Ça renonce. Mais il y a des personnalités, donc, d'individus qui, on se dit, c'est une personnalité supramentale. Mm-hmm. Il y aura diverses personnalités. Premièrement, ça dépend de son faisceau. Deuxièmement, ça dépend si le faisceau fait un arrêt au niveau solaire. Troisièmement, ça dépend des génétiques des individus. Quatrièmement, ça va dépendre des sexes. Et finalement, ça va dépendre des conditions sociales qui entourent l'individu. Et quand tu parles de sexe, c'est que l'androgyma... Tu parles de femme ou homme? Oui. OK. L'androgyma... Androgyna. Vécu à ce niveau-là, même dans des sexes encore polarisés... Oui, mais moi, je parle des sexes ne sont pas importants pour celui qui évolue. Les sexes sont importants pour l'animal. Quand une femme s'en va dire à quelqu'un quelque chose, si l'animal va avoir un homme, ils ne pourront pas écouter la femme. Puis si la femme a plus d'énergie, ils vont adorer la femme. Alors, c'est plus ça non plus. Donc, tu envoies un homme. Ça dépend des sexes. Ça dépend aussi des niveaux sociaux. Être en contact supramental dans l'Union soviétique, aux États-Unis, en Europe ou ici, il y a une grosse nuance. Ça dépend des génétiques. Si vous pourrez exprimer l'intelligence supramentale par l'écriture, par la parole, par certaines formes de gestuelles, ça sera toujours exprimé de façon différente. Où les individus seront d'accord entre eux. Mais l'animal ou le peuple ou les êtres qui travaillent avec n'auront pas une affinité avec toute la gang. avec un oui, avec un autre oui, avec un autre non. Ils vont dire, oui, c'est correct. C'est très, très, très, très bien. Mais je préfère travailler avec un tel. Mais je n'ai rien contre celui-là. L'animal, il va carrément maudire celui-là pour aller en suivre un autre. C'est autre chose. Alors, il y a donc des facteurs différents qui vont déterminer quand même l'expression de l'intelligence, même à travers des personnes qui ont une égalisation, même une fusion. Ce sera quand même différent. Ça dépend de bien des choses. On fait une petite pause, on a encore des questions pour les réappliquer.